Vous avez eu des problèmes? Did you have any problems? If you did, listen again. If not, continue with the phone conversation between George and Hélène. Where are you? Je suis ici, à l'hôtel. Where? À la réception. You're here? Bien sûr. It is time for breakfast. Le petit déjeuner, n'est-ce pas? Breakfast? Hélène, it's only 6 o'clock. 6 heures? Non, il est 8 heures. 8 o'clock. No, 6. Monsieur, vous êtes en France, et maintenant, en France, il est exactement 8 heures. Oh no. I put my watch an hour back instead of forward. Pardon? I put my watch an hour... Nothing. Sorry. Avez-vous faim? Faim? Are you hungry? Well, yes. Look, I'll have a quick shower and see you in about 20 minutes. Dans 20 minutes. Très bien. Right. Oh, wait. Where will you be? Dans la salle à manger. La salle? À manger. La salle à manger. C'est pour le petit déjeuner. Prenez l'ascenseur et allez au rez-de-chaussée. Hélène? Oh, pardon. Take the lift to the rez-de-chaussée. What is that en anglais? I don't know. Oh, ce n'est pas important. Prenez l'ascenseur, take the lift, and look for the sign, salle à manger. OK? OK. About 20 minutes. One of the questions Hélène asked George just now was, Avez-vous faim? Are you hungry? Because it's time for Le petit déjeuner. Breakfast. George arranges to meet her Dans 20 minutes. In 20 minutes.